La vaccination COVID-19 favorise le développement d'un système de contrôle par l'État. La vaccination contre le COVID-19 a commencé dans de nombreux pays du monde. Les grands médias rendent compte exclusivement du nombre de personnes déjà vaccinées ou alors des problèmes d'approvisionnement en doses de vaccins. Selon le journal Frankfurter Allgemein, il y a eu en Allemagne, dans le Land de la Hesse, une course véritablement acharnée pour obtenir des rendez-vous de vaccination. Cependant, on ne dit presque rien sur le fait que le vaccin COVID est un nouveau vaccin qui a été produit dans un délai très court. La question de la sécurité du vaccin n'est plus à l'ordre du jour. Et ce, malgré le fait qu'un grand nombre d'experts du monde entier s'expriment depuis des mois sur la question de la sécurité de ce vaccin, appelant à la prudence. Dans la première partie de cette émission, vous entendrez trois voix d'experts, représentatives de beaucoup d'autres. Dans la deuxième partie, nous examinerons un contexte plus large qui répond à la question de savoir pourquoi les voix critiques à l'égard de la vaccination sont étouffées et pourquoi il faudrait vacciner la population le plus possible. Le docteur Carlos Beat Quinto, membre du comité central de l'association médicale suisse FMH, écrit dans le journal médical suisse du 2 décembre 2020 « La première priorité d'un vaccin COVID-19, c'est sa sécurité. La deuxième, sa sécurité. La troisième, sa sécurité. Et la quatrième, son efficacité. Pourquoi la sécurité est-elle une priorité si importante? L'une des principales raisons est que, dans l'ensemble de la population, plus de 90% des personnes infectées par le COVID-19 ne le sont que légèrement, en particulier les jeunes. Il faut au moins 6 mois d'observation après la vaccination pour qu'un effet secondaire d'origine auto-immune, maladie du système immunitaire, se manifeste. » L'Arzneimittelbrief, une publication médicale allemande, fournit depuis de nombreuses années des informations indépendantes de l'industrie pharmaceutique sur les médicaments. Dans une déclaration sur les nouveaux vaccins génétiques contre le SARS-CoV-2, les médecins et les rédacteurs écrivent, entre autres choses, à notre avis, il faut un large débat scientifique et sociétal sur les problèmes des essais accélérés en ce qui concerne la sécurité des vaccins et une harmonisation des paramètres d'études indispensables grâce à une consultation publique des experts critiques. Les médecins et les personnes qui veulent se faire vacciner doivent être pleinement informés de l'efficacité et des risques des vaccins génétiques qui arrivent sur le marché après des procédures d'approbation raccourcies. Ces mises en garde et d'autres similaires de scientifiques d'autres pays ne trouvent pas de place dans les publications des médias. Dans les cercles gouvernementaux, on ne sent aucune retenue concernant la recommandation des vaccins COVID. Au contraire, il est prévu de commander des millions de vaccins dans le monde entier afin que la population puisse être vaccinée en toute hâte. Est-il vraiment question de la protection des citoyens? Ou les raisons pour lesquelles la population devrait être vaccinée sont-elles complètement différentes? Cette émission souhaite attirer l'attention sur un aspect qui pourrait répondre à cette question et dont beaucoup n'ont pas conscience. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, et ce que les personnes qui se font vacciner ne constatent souvent qu'en passant, c'est que chaque personne qui se fait vacciner contre le Covid est enregistrée dans une base de données. En Suisse, par exemple, cela se présente ainsi. Pour chaque vaccin administré, le professionnel de santé qui vaccine conserve entre autres les données suivantes dans un fichier spécialement préparé à cet effet. Le nom avec l'adresse, l'existence de maladies chroniques ou le contact étroit avec des personnes particulièrement vulnérables. Ces informations sont transmises au canton et stockées de manière centralisée. Par la suite, les données seront prétendument rendues anonymes et analysées statistiquement. En Allemagne également, les données sur la vaccination COVID sont collectées à l'échelle nationale dans un système de déclaration électronique et transmises directement à l'Institut Robert Koch. On indique déjà que les données seront conservées pendant 10 ans. Bien entendu, le stockage des données relatives à la vaccination COVID se justifie par le suivi de ce nouveau vaccin, c'est-à-dire par un intérêt médical et scientifique et une sorte de bienveillance envers la population. Néanmoins, cela ne doit pas faire oublier qu'on crée ainsi à la dérobée une vue d'ensemble de la population d'un pays. Des profils personnels numérisés sont créés. On peut difficilement nier certains parallèles avec le système de contrôle et de surveillance en Chine, qui est sévèrement critiqué par les médias et les gouvernements européens. Il s'agit d'un système de notation sociale qui utilise la 5G pour enregistrer et évaluer les données et le comportement de chaque individu. Cela s'applique par exemple à la navigation en ligne, au chat et aux achats, aux infractions routières, aux fraudes fiscales, etc. En cas de mauvaise évaluation, on écope d'une sanction. On n'est pas autorisé à voyager dans un train à grande vitesse, à réserver un vol ou une chambre d'hôtel ou à acheter un bien immobilier. Cette approche de l'État chinois est décrite dans notre pays avec des slogans tels que « agressive »,« surveillance totale » et « dictature ». Mais combien de temps faudra-t-il avant que chez nous aussi, grâce à la vue d'ensemble d'une base de données de vaccination par exemple, les citoyens soient évalués et exclus de diverses activités de la vie sociale, comme par exemple voyager, assister à des manifestations publiques et même faire des achats? Ce rythme rapide de vaccination de la population pourrait-il non seulement servir à accroître énormément les profits de l'industrie pharmaceutique, mais aussi servir ce contre quoi met en garde George Orwell dans son roman 1984, ainsi que des auteurs d'aujourd'hui comme David Icke ou Robert F. Kennedy Jr., la surveillance et le contrôle croissant de la population, que chaque citoyen réponde à cette question lui-même. Selon le rappeur et lanceur d'alerte Killers More, en ce qui concerne la surveillance, c'est comme avec une grenouille qu'on met dans l'eau. On le fait étape par étape et degré par degré, et les gens naïfs ne remarquent même pas que l'eau commence lentement à bouillir, jusqu'à ce que la liberté meure doucement et silencieusement. Killers More dit dans une interview: Eh oui, je sais, il y a toujours de superbes raisons pour l'état de surveillance. Une fois, il s'agit d'attaques terroristes, généralement de petits criminels méchants. Maintenant, il s'agit juste d'une pandémie. Mais quel que soit le problème, la solution qui nous est présentée est toujours la même. Plus de surveillance, moins de liberté, moins de droits civiques. Mais croyons-nous vraiment que ce conglomérat de pouvoir, de gouvernement et d'entreprise a nos intérêts à cœur? Conclusion. La pandémie de coronavirus et de nombreux moyens émergents, telles que les applications d'alerte COVID-19 ou même la vaccination COVID, peuvent être de plus en plus instrumentalisées et utilisées abusivement par l'État pour surveiller de plus en plus la population et restreindre les libertés individuelles. Cette perspective peut aider à comprendre ce qui, entre autres, pourrait se cacher derrière la disponibilité si rapide du vaccin COVID.